transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Roberval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Roberval. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 aux Sabres Junior 2A de Roberval. On va parler des Sabres de Roberval qui revenaient à l'action en fin de semaine. Salut Jason Lejeunesse. Salut Danny. Jason, les Sabres en fin de semaine. D'abord, le congé des fêtes, c'était quoi le 6? Hein? Vous avez eu le temps de pratiquer? Ouais, là? On a joué le 6 et le 7. Oui, on a pratiqué. Oui, OK. J'ai eu le temps de faire deux pratiques là, pendant les fêtes. OK. Mais est-ce que vous revenez quand même de façon... Est-ce que c'est difficile de revenir après ça? Est-ce que ou les gars ne peuvent pas la game shame, comme on dit? Non, on avait une pratique là deux jours avant on avait pratiqué le mercredi soir puis on jouait le vendredi. Donc c'est sûr que nous on les a poussés un petit peu là, le mercredi soir là, pendant la pratique pour trouver la game shape comme on appelle là. Mm-hmm. Parce que sinon ça aurait été peut-être un petit peu difficile là, après le temps des fêtes. On sait qu'on mange pendant le temps des fêtes. On mange et on boit, donc c'est sûr que ça de ce côté-là, ça a pas été si pire que ça là. Pour ce qui est du côté là, physique des gars. OK, donc ça s'est soldé par une défaite de 8-3 dans le premier match contre les Aiglons. Oui, on a mal débuté la rencontre, disons. Là. Après, je pense, 10 ou 12 minutes, là, c'était 6-7-1 là, pour les Aiglons. Donc, c'était assez difficile de revenir de l'arrière là, après ouais. Un tel début de match. Oui, c'est sûr. Mais on a joué une bonne deuxième et une bonne troisième période. Okay. Je pense que ça nous a amené. On a transporté ça dans le match de samedi soir contre les Éperviers. OK. Dans le match, ben Maxime Paul, qui s'inscrit souvent hein, à la feuille de pointage. Maxime Paul a marqué un but, une passe. Oui. Il y a également Samuel Bérubé et Simon Brassard qui ont aussi marqué dans ce match. Et le lendemain, ben, c'était contre les Éperviers Normandins. Ça se déroulait, je pense, c'était à Normandin, c'est ça? Non, c'était à Mastaillache. On a fait un match à Mastaillache, okay. Spécialement là, pour les deux, trois gars qui sont dans notre équipe de Mastaillache. Puis ça a fait changement. T'sais. Disons que quand on joue deux matchs en deux soirs à Roberval, du coup d'assistance, là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis on a vu que faire un match à Mastaillache, les gens de la direction ont beaucoup apprécié. Et ça a répondu peut-être à proche de 200 personnes là, à Mastaillache. Okay. C'est sûr que c'est encore dans le temps des fêtes un petit peu, là, mais... Ouais. C'est quand même très, très bon, vu que nous, à Roberval, là, à ce temps-là, on c'est sûr qu'on n'enchaîne pas les victoires, là, mais c'est plutôt difficile là, côté assistant. OK. C'est quoi les assistances à peu près jusqu'à maintenant, quand tu dis que c'est difficile? Ouais, là, c'est 100-125, la Roberval, là, on a de la misère. Ouais, ben, c'est sûr que quand tu perds sans arrêt, c'est difficile. On le sait que Roberval, là, oui, c'est une ville de hockey, mais c'est une ville de hockey qu'il faut que tu gagnes, sinon ils viennent pas à l'aréna. OK. Là, l'objectif, j'imagine, c'est de bien finir l'année, c'est ça? Oui, il nous reste 10 matchs là, en saison régulière, plus un tournoi à l'extérieur. Donc, c'est sûr que nous, là, c'est de finir l'année en force, hein, d'avoir une bonne vitesse de croisière, là, puis d'entrer dans les séries, puis peut-être de causer une grosse surprise là, quand on va rentrer dans les séries. OK. Est-ce que il y avait une période des transactions à la date limite? Est-ce que, parce que dans les juniors régionales, donc, est-ce que vous avez bougé du côté des Sabres? Oui, on a tenté beaucoup de choses. C'est sûr que on est dernier de la ligue. Tout le monde veut nous aider, mais tout le monde veut essayer d'avoir nos joueurs. Nous, c'est ce qu'on a essayé, on est allé chercher des jeunes joueurs. On est allé chercher François Perron là, à Jonquière contre un défenseur. François Perron, là, c'est un première année junior. Donc, on rajeunit encore notre équipe. Là. Après ça, au repêchage, on a repêché un défenseur, Émile Gagnon, du Coutimi. Encore une fois, c'est en 1997, un deuxième année junior. Dans notre formation, là, on ne se comptera pas de mandri, là, j'ai 16 joueurs âgés hein, de 18 ou 19 ans là, dans mon équipe. Donc, c'est sûr que c'est difficile. On est jeunes, mais nous autres, on croit à l'avenir là, à Orval. C'est vrai là qu'on s'en va. C'est plate pour le moment, mais... Donc, comme, vous avez cédé qui pour ça? Hein? Nous, on a cédé Félix Larouche, un défenseur. Là. OK. Puis, ouais. Puis vous avez obtenu qui? François Perron, un attaquant. Okay. Qui était un jeune joueur, c'est ça? Oui. Ouais. OK. Donc, la transaction a été effectuée avec quelle formation? Avec les Marquis de Jonquière. Avec les Marquis de Jonquière. C'est sûr que les Marquis, eux autres, probablement qu'ils veulent avoir plus de... Mais comment ça se passe, une transaction au junior régional? Est-ce que le joueur est content? Est-ce que le joueur... Ben, ça dépend toujours. Nous, je sais que là, moi, j'ai parlé avec François, que François était très content de s'en venir avec nous. Moi, je m'en... En plus que moi, je connais... Tous les entraîneurs ont coaché pas mal à tous les niveaux, là. Puis on connaît pas mal tous les joueurs. Moi, en plus que j'ai coaché là avec le Blizzard dans le temps, 4 ou 5 années d'affilée. Donc les joueurs, peu importe la destination d'où ils viennent, je les connais quasiment tous. Puis ils me connaissent aussi. Donc ça aide grandement là, quand tu fais une transaction de connaître les joueurs. OK, OK. Mais il vient de où? Est-ce que c'est un gars d'ici? C'est un gars de Jonquière. De Jonquière. De Jonquière, puis il va jouer à Berval. Oui. Ouais. Donc, dans notre formation, on a six joueurs de l'extérieur de notre territoire là, dans notre formation présente. OK. Donc, Jason, en fin de semaine, ça ressemble à quoi? Un seul match, là, vendredi soir, contre Alma à Alma. OK, contre les Aiglons, effectivement. Jason de Jeunesse, un gros merci, on s'en reparle prochainement. Parfait, merci Danny. L'instructeur chef des Sabres d'Orberval, Jason de Jeunesse.